sécurité, sécurité, sécurité, sécurité, sécurité, sécurité, sécurité. Je ne peux pas voir la télé, c'est très bien quitté. Il faut que je paye pour le regarder. Mais que je ne peux pas voir la télé, c'est voir la télé, c'est pour payer. Il faut que je paye, il faut que je paye. Tous les jours, j'essaie de décrypter sans payer. Je vois gratuité et liberté devant moi. C'est, j'aimerais que la culture soit plus accessible, non pas comme restreint comme Facebook. Je veux voir la télé. Arrêtez de crypter, je compte, vous comprenez que ce que c'est quoi la liberté, et je n'ai marre. Je vais tout attaquer, et l'image afin de le vendre. Mais que va voir, c'est très bien crypté. Je ne peux pas voir ça, c'est très bien crypté. Il faut que je paye pour les voir en clair. Mais je ne peux pas voir en clair avec le système, la ravillon. C'était discret, et maintenant c'est Narrator Sister. Mais que voulez-vous que je vois avec cette la merde? On peut rien voir, ni l'image, ni le son. Combien ça coûte? Cet abonnement, ça coûte 30 euros. Et vous pouvez pas décrypter avec un autre, un même abonnement. Mais moi je dis, car sinon ce serait de la fraude. Après tout, les gros pirates. Je ne peux pas voir la télé, c'est très bien crypté. Il faut que je paye pour le regarder. Et le jeu, je ne peux pas voir la télé. Je ne peux pas voir la télé. Il faut que je paye. Je ne peux pas voir la télé, c'est très bien crypté. Il faut que je paye pour le regarder. Vidéocrypte, c'est vraiment de la neige, de la neige, de la neige. Et les gros droits d'auteur me demandent à ça quoi, quoi. Ça sert à quoi? De la neige, de la neige, de la neige.